ça c'est relax. On peut changer le BPI, le BPM par vote. Et si on est deux, par exemple, vote BPI. Combien? 90, tu veux mettre? Attends, vote BPI. Non, pas BPI, pardon. BPM. Vote BPM 90. Et vote BPI 16. Non, c'est comme ça. On démarre à 1. Et on laisse le métronome. Sauf s'il y a quelqu'un qui a la batterie ou sauf s'il y a quelqu'un qui est dans le rythme et tu sais que tu peux couper. Mais normalement, on laisse au début, quoi. Là, j'ai un beat, si tu veux, je mets un beat. C'est pas moi qui l'ai fait. Attends, on va baisser un peu le son. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.